j'observe ma vie qui s'écoule. De plus en plus de feuilles qui s'y collent. J'en garderai des séquelles, même si je veux pas, je peux rien y faire. Et sera toujours la même zone à la connaître, je serai pas le dernier des hommes à chercher la raison. Donc vois ma vie, c'est quoi mon frère. C'est pas demain que je m'avouerai vaincu. J'écris mon chemin loin des insultes et des incultes. Le mic en main, j'éclate bravoure à mon insu. Et j'ai du mal à croire que le bonheur a besoin d'une. Ouais. Les tendances chantent et les tendances. Les gens changent en fonction de leur dépendance. L'aspiration aura vécu dans mes sentences. Je réfléchis beaucoup sans me soucier de ce qu'on en pense. Ma volonté combat tous mes mauvais penchants. Trop d'inconscience se font plaisir en dépensant. Chaque action a ses causes et ses conséquences. C'est la prudence qui influence la compétence. Ouais, l'homme perd son temps à se persécuter. Personne ne s'écoute, chacun veut percer de son côté. Et moi je trouve que l'ignorance est innovante. On m'a prouvé que l'innocence est mise en vente. J'observe ma vie qui s'écoule. De plus en plus de feuilles qui s'y collent. J'en garderai des séquelles, même si je veux pas, je peux rien y faire. Et sera toujours la même zone à la connaître, je serai pas le dernier des hommes à chercher la raison. Donc vois ma vie, c'est quoi mon frère. J'ai fait des gars en rejoignant les debout. Et tous les garçons debout prêts à lever haut les mains. Je suis pas là pour m'avouer gangster, pas plus que pour jouer les grandes stars. Chez moi le son c'est élémentaire, on s'en souvient quand je parle. Car ma vision est tellement claire, je voudrais seulement faire le bien autour de nous. Pendant que le monde est mortellement sourd, on meurt tous les matins pour l'amour de militer. Aucune similitude, je préfère les jours où ma mère m'a les fait. J'observe.